إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Au dernier cours, donc aujourd'hui c'est le cours 72 dans la lecture du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim. C'est le livre de Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam. Et on est arrivé donc dans le volume 2, à la page 535. C'est le volume 2 du commentaire de Cheikh Saleh al-Fawzan, Al-Ta'liq al-Qawim, ala kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Donc, au dernier cours, on expliquait que par rapport à, au fait d'alléger la prière, auprès de, au fait de, par rapport au fait d'alléger la prière et de la faire complète, que c'est quelque chose qui n'est pas déterminé par al-urf. Ce n'est pas quelque chose qui est déterminé par la coutume ou la tradition dans un pays ou dans une ville. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Mais que c'est quelque chose qui est déterminé par Shara, c'est-à-dire par la législation, par la révélation divine. Et le Cheikh explique que, Cheikh Al-Fawzan expliquait qu'il y a des choses dans la religion qui sont déterminées par Al-Urf, tandis qu'il y a des choses qui sont déterminées par Shara. D'accord ? Et il a donné un exemple de qu'est-ce qui est déterminé par Al-Urf. Il a mentionné Al-Hirz. Al-Hirz. C'est par rapport à la protection de nos biens. Lorsqu'on a quelque chose qui a de la valeur, on doit lui donner une certaine protection selon sa valeur pour faire en sorte que yani, ce bien-là soit préservé ou protégé. Et que si on n'a pas donné la protection suffisante à un bien, eh bien, si jamais ce bien-là sera volé, il n'y aura pas de peine à celui qui l'a fait, à celui qui l'a volé. Pourquoi ? Parce que le bien en question n'a pas été protégé suffisamment. D'accord ? Puis il expliquait que la protection en question, elle dépend donc selon la valeur du bien, puis elle dépend également d'un endroit à l'autre. Hein ? Et donc, c'est ça. Donc, le Cheikh il expliquait ça. Puis, il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on pourrait donner, des choses qui sont déterminées par l'urf et des choses qui sont déterminées par al-shara. Et on avait donné l'exemple justement de qu'est-ce qui a rapport avec l'extrémisme ou des choses comme ça dans la religion, que ça c'est déterminé par al-shara et non par al-urf. Hein? C'est pas la coutume ou l'environnement ou le milieu qui détermine qu'est-ce qui est extrémiste ou non. C'est la révélation et c'est les textes du Coran et de la Sunna et la compréhension des salafs. C'est ça qui détermine qu'est-ce qui est extrême ou non. Et la même chose aussi on pourrait dire par rapport au hijab, hein, puis le jilbab al-shar'i. Pas déterminé par l'urf, déterminé par al-shara. Sinon, par exemple, il y a des gens qui ont amené cette shubha, qui disent que le hijab il doit être adapté selon le milieu ou l'environnement ou la coutume du pays. Donc, dans certains pays, tu vois, les femmes qui ne vont pas se voiler très sérieusement. Tandis que dans d'autres endroits, tu vois des femmes qui se voilent complètement. Et ils vont essayer de dire que ça dépend de l'urf, la coutume. Mais en réalité, non. C'est déterminé par Shara. Parce qu'il y a des textes dans le Coran et dans les hadiths et dans l'explication des salafs qui nous mentionnent la description du hijab shar'i et comment il doit être. Donc, ça c'est un point. Ensuite, le shaykh il dit قوله ولو أنه ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل يعني لو وكلنا الله إلى العرف في التخفيف والتطويل في الصلاة لحصل النزاع ولحصلت الفرقة بين الناس لأن الناس يختلفون في أعرافهم وفي عباداتهم والصلاة وأمور الدين لا يجوز النزاع والافتراق فيها فلذلك من رحمة الله أمرنا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وهذا ما نحذر منه أو ما نعم ما نحذر منه بعض الأئمة الذين قد يكونون على اجتهاد وعلى محبة في الخير ولكن عندهم اجتهادات ورغبات خاصة بهم يريدون أن يحملوها على الناس ويلزم الناس بها فيحصل بذلك التنافر والمشقة ولو أنهم رجعوا إلى السنة وإلى ما عليه عمل المسلمين لزال الخلاف. Donc le cheikh il dit que yani si il explique la parole de Ibn Taymiyyah quand il dit si on avait laissé la question de l'allègement de la prière de raccourcir ou de prolonger la prière si on avait laissé ça au jugement des gens et à leur coutume eh bien il y aurait eu beaucoup de divergences entre les gens, beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords et ça aurait même peut-être causé de la division entre les gens hein, parce que chacun dirait non, on veut que ce soit de telle façon, on veut que la prière soit de telle longueur ou de telle longueur, plus court ou plus long et ainsi de suite et aussi parce que les gens sont divergents dans leurs coutumes et dans leurs traditions et donc la salat ça fait partie des choses de la religion et donc il n'est pas permis de se diviser et de diverger à son sujet et parmi les choses qui font partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il nous a ordonné de revenir dans nos divergences au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il dit dans Surat An-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on met en garde certains imams de mosquées qui font des efforts d'eux-mêmes, des efforts personnels, parce qu'ils aiment le bien, mais yani, ces efforts qu'ils font et ces jugements qu'ils veulent appliquer, les choses qu'ils aiment, sont particulières à eux-mêmes. Et le problème, c'est qu'ils veulent les imposer aux gens. Et ça devient une cause parfois de difficulté pour les gens, puis ça les fait fuir par la suite. Parce que si un imam, par exemple, aime prolonger la prière, mais d'une façon trop exagérée, ou qu'il prie, mais qu'il récite des très très longs versets à chaque fois, ça risque de devenir trop lourd pour les gens. Et il risque, à cause de ça, de s'en aller, d'aller ailleurs, hein, de prier dans les endroits où les gens vont prier des prières moins longues. Et c'est ça le danger, de faire fuir les gens. Mais s'ils étaient revenus à la sunna et ce que les musulmans font en général, eh bien, il n'y aurait plus de divergence. Le cheikh il dit wa qawluhu wa ma a'lamu ahadan min al-ulama yaqulu bidhalik. أي لا يعلم أحد يقول أن العبادات التي لم يحدد الشرع فيها حدا يرجع فيها إلى العرف وإنما يرجع فيها إلى الكتاب والسنة فهذا الذي يضبط العبادات وإنما العرف يرجع فيه إلى الأمور الأخرى كحرز السرقة الذي تقطع به اليد ويحصل به إحياء الموات وما يحصل به إحياء الموات ومقدار النفقة إلى غير ذلك من الأمور. Donc le cheikh il dit, je connais aucun, hein, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, je connais aucun d'entre les ulama qui dit ça. C'est-à-dire, il connaît aucun d'entre les savants qui dit que si une adoration n'a pas été déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala, dans les limites et dans sa définition, comme par exemple dans les limites de sa longueur ou des choses de ce genre, il dit, il connaît aucun d'entre les ulama qui ramène ça à la tradition ou à la coutume. Mais les ulama, ils ramènent ça au Coran et à la Sunna, et non à la tradition et la coutume. Et c'est ça qui va déterminer les règles et les principes reliés aux adorations, et non les coutumes et les traditions des gens. Je ne sais pas c'est qui disait ça aujourd'hui, que supposément à cause des actes de terrorisme qui se font dans certains pays. Et maintenant, il y a eu des attentats, par exemple, en Afrique. Je pense que hier même, il y avait un attentat terroriste à Bamako, dans un hôtel du centre-ville, ou quelque chose comme ça. Donc, maintenant, ça cause des problèmes maintenant aux gens qui veulent pratiquer la religion, ou qui veulent appliquer les éléments de la sunna. Hein, donc les musulmans par exemple qui veulent garder la barbe, qui veulent porter le qamis, les femmes qui veulent porter le niqab, le djilbab, bon, ils vont essayer de dire, bon, ces gens-là c'est eux, hein, les dangereux, et c'est eux qui sont là, les gens qui font le terrorisme, donc il faut interdire ces signes religieux-là, en apparence. Et même si ces gens-là n'ont rien à voir avec ceux qui font les actes de terrorisme. Mais le problème, c'est ça. Il y a un frère qui disait, dans un pays quelconque, il voulait interdire le niqab maintenant. Et l'excuse, c'est que, soi-disant, ça ne fait pas partie de nos traditions. Hein? Dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, hein, ils ont dit, on va interdire le niqab, hein, le fait de se cacher le visage. Pourquoi? L'excuse, ça ne fait pas partie de nos traditions. Ça fait partie de l'islam. Ça a par rapport avec les questions de tradition. Et quelqu'un a répondu à ça en disant, est-ce que par contre les vêtements que les femmes portent, qui sont les vêtements qui viennent de l'Europe ou de l'Amérique, et la mode que les gens suivent en imitant les koufars, les jeans et les mini-jupes et les trucs de ce genre, n'est-ce pas que ça fait pas partie de nos traditions, hein? Pourquoi on va pas les interdire dans ce cas-là, hein? Alors que le niqab, c'est des choses, c'est clair que ça fait partie de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, il en parle. Et c'est connu dans la charia. Hein? Même si certains savants disent que ce n'est pas obligatoire, n'empêche que ça fait partie de la charia d'Allah. Hein? Donc ce n'est pas permis de l'interdire. Donc ça c'est, juste pour dire en passant, c'est ça. C'est que c'est la charia qui détermine, et non les coutumes des gens. Hein? Donc le cheikh il dit, c'est pas des choses qui retournent à la tradition, mais ça retourne au Coran et à la Sunna, et c'est ça qui détermine les règles de l'adoration. Dans les questions qui ont rapport avec la tradition et la coutume, et les choses dans lesquelles on retourne à la tradition et la coutume, c'est d'autres choses, d'autres questions différentes, comme par exemple qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure, al-hirs. Al-hirs par rapport au vol, c'est-à-dire la protection qu'on va, ou le fait de préserver des choses qui ont de la valeur pour éviter qu'elles soient volées. Et que si cette chose, elle n'a pas été préservée comme il faut et qu'elle se fait voler, il y aura pas de, on ne coupera pas la main du voleur dans ce cas-là. Hein? Si par exemple quelqu'un, par exemple, il a des bijoux, une bijouterie, puis la nuit, il laisse, par exemple, dans la vitrine, des bijoux qui coûtent très cher, puis il ne met pas de protection. Il ne met pas de grillage, il ne met rien, et puis il laisse les bijoux à la vue des gens, et quelqu'un vient et il les vole. Cette personne-là, elle ne va pas être punie. On ne va pas appliquer la peine sur lui. Pourquoi? Parce que les bijoux en question n'ont pas été préservés correctement. Hein? Il faut qu'on montre que, il faut qu'on soit capable de montrer que la personne en question, elle a vraiment fait un effort pour voler cette chose-là, et que c'est pas quelque chose qu'elle a trouvé hein, juste devant elle comme ça, puis qu'elle l'a prise, puis après ça on va dire ah il l'a volé. Hein? Tu donnes à la personne responsable une excuse hein, de tomber dans le péché en le mettant juste comme ça devant lui. Non, il faut le préserver. Et il donne aussi l'exemple de Ihya ul-Mawat, des terres abandonnées que personne n'utilise, puis quelqu'un décide yani, de les récolter, les cultiver. En tout cas, il y a des règles par rapport à ça dans le fiqh. Et il dit ça, ça fait partie des choses qui sont déterminées par l'urf. Également, la valeur ou la quantité d'argent que tu dois dépenser pour ta famille ou tes proches. Par exemple, combien tu dois dépenser dans yani, pour tes épouses, par exemple. Mais ça dépend d'une société à une autre, d'une classe sociale à une autre. Hein? Une certaine classe sociale sont habituées de vivre de telle façon, donc ils sont habitués d'avoir certaines choses. Hein? Donc il faut être capable de leur yani, de leur pourvoir, de leur donner ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, hein? Des choses de ce genre. Si c'est des gens plus modestes, qui ont moins de richesses, qui sont plus pauvres, eh bien, c'est selon qu'est-ce qu'ils ont, et ainsi de suite. Naam. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi, comme ça, qui sont déterminés par Al-Urf, et non pas par Al-Shara, mais c'est des choses bien connues. Hein? Après, donc, on revient maintenant aux paroles de Cheikh Ibn Taymiyyah. Il cite encore d'autres hadiths par rapport à la salat. Il dit: فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك ابن حرب قال سألت جابر ابن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي الصلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. وروى أيضا عن شعبة عن سماك بن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا أراد والله أعلم يعني بقوله وكانت صلاته بعد أي بعد الفجر أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر. فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف الصلاة بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف. وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور نحو من سورة قاف. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا نبي لقد ذكرت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل رضي الله عنها أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب. وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين كما قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين أزرهم الله فهذا السماء كان متأخرا. نعم. Donc on va expliquer la signification de ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est rapporté selon Muslim dans son Sahih, selon Zuhair, selon Simak ibn Harb, il dit « J'ai demandé à Jabir ibn Samura à propos de la description de la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit qu'il allégeait sa prière et que sa prière n'était pas comme la prière de ceux-là. Il a dit et il m'a informé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière de Fajr, il récitait Qaf ou le Coran al-Majid ou des prières de cette longueur-là à peu près. Donc dans la prière de Fajr, il priait une prière un peu plus longue. Comme il dit après, قال, كان, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait dans la prière de Dhuhr وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى et dans la prière de Asr des prières de cette longueur à peu près et dans la prière de Subh il récitait plus long que ça et il dit donc cela clarifie que ce que l'imam muslim a rapporté également selon Zaïda selon Simak et selon Jabir ibn Samura que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il récitait dans le Fajr Qaf ou le Coran al-Majid et que ses autres prières après, c'est-à-dire les autres prières qui étaient après dans le reste de la journée étaient plus courtes que la prière de Fajr. Dans une autre narration, dans la première narration, il a réuni entre la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'elles étaient allégées et la mention du fait qu'il récitait la prière de ou la sourate Qaf dans la prière de Fajr. Et il a été rapporté également dans le Sahih selon Salama qu'elle a dit qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier la prière dans la prière de Fajr en récitant At-Tur, sourate At-Tur. Et ça c'était dans Hujjat al-Wada', c'est-à-dire le dernier le discours de, le Hajj d'adieu. C'est-à-dire le dernier hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et donc il y a des gens qui ont entendu ça, il y en a de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est quelques temps avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il récitait des prières, des versets dans la prière de Fajr, c'est des versets qui sont de la longueur de At-Tur et de Surat Qaf. Il dit, et il a été également mentionné authentiquement dans le Sahih, c'est-à-dire le Sahih de l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas, il a dit que Umm al-Fadl, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité al-Mursalat wal-Mursalat urfa dans la prière de Maghrib parce qu'elle a entendu quelqu'un qui c'est-à-dire c'est son fils elle a dit oh mon fils quand tu as récité wal mursalat urfa ça m'a rappelé la dernière prière que j'ai entendu réciter du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il l'a récité dans la prière de Maghrib wal mursalat urfa. Donc il dit elle a informé Umm al-Fadl a informé que la dernière chose qu'elle a entendue réciter de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était wal mursalati urfa dans la prière de al-Maghrib. Et Umm al-Fadl, elle ne faisait pas partie des muhajirat, parce que elles font partie des mustad'afin, c'est-à-dire ceux qui étaient faibles, et que Allah avait excusé de ne pas faire la hijra. Donc c'est quelque chose qui est arrivé plus tard dans l'islam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est la preuve que c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait vers la fin. Parmi les exemples de sa sunna. Cheikh Al-Fawzan, il commente sur tous ces hadiths-là et il explique, il dit « قوله كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء تخفيف الصلاة بمعنى أنه يعادل بين أفعال الصلاة وأركانها فيخفف من غير إخلال ويطيلها من غير إملال وهكذا في سنته صلى الله عليه وسلم فلم يكن يخففها أو يطيلها كإطالة هؤلاء يعني بعض الأمراء الذين يجهلون السنة فيطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود أو العكس فيطيلون الركوع والسجود ويخففون القيام. Donc le cheikh explique que qu'est-ce qu'on veut dire ici quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allégeait sa prière, c'est-à-dire qu'il faisait en sorte que les différentes positions qu'il faisait dans la prière et les piliers de la prière et les différentes positions, il les faisait de durée égale à peu près. Chaque position, il les faisait à peu près de durée égale et il les allégeait sans que ça vienne, causer une déficience quelconque dans sa prière ou un manquement quelconque. Donc il prolongeait sa prière, mais il ne la prolongeait pas au point que ce soit trop lourd ou dérangeant pour les gens. Donc c'est comme ça que la sunna du prophète était. C'était pas trop long et pas trop court. Et quand il dit c'était pas comme cela, c'est-à-dire il prolongeait pas comme cela, le cheikh il dit, c'est-à-dire comme certains d'entre les dirigeants de l'époque qui ignoraient la sunna et ils prolongeaient le qiyam, c'est-à-dire la récitation dans la prière, et ils allégeaient le recours et le sujoud. Ou bien le contraire, ils prolongeaient le recours et le sujoud, puis ils allégeaient le qiyam, la récitation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait à peu près égal dans tous les mouvements, dans la récitation, dans le recours, dans le sujoud. Hein? Et après il dit wa qawluhu wa anba'ana anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqra'u fil fajr bi qaf wal Qur'an al Majid wa nahwaha, ay anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqra'u fil fajr bi qaf wal Qur'an al Majid أو نحوها من طول المفصل من طوال المفصل مثل ما قرأ بي اقتربت الساعة والنجم إذا هوى يعني في صلاة العيد أحيانا وفعله هذا يعني يعد من الاعتدال وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الظهر بالليل والليل إذا يغشى يعني من أوساط المفصل فالفجر تطول فيها القراءة فيقرأ من أطول المفصل أو ما يعادل طوال المفصل وفي المغرب من قصار المفصل وفي البواقي أي الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل. Donc le cheikh explique que, comme il mentionne ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière de Fajr, il récitait des sourates comme la longueur de Qaf ou le Coran al-Majid, et il mentionne que parfois aussi dans la prière de Eid, il récitait Iqtarabat al-Sa'a ou bien Wal-Najmi idha hawa. Et ça fait partie de l'exemple de modération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la prière de Dhuhr, il récitait Wal-layli idha yarsha. Et ça, c'est parmi les mufassal qui sont moyennes. Parce qu'il y a les longues, il y a les moyennes et il y a les courtes parmi les mufassal. Et le mufassal, c'est les dernières sourates du Coran qui commence à partir de à peu près, comme on avait dit la dernière fois, je pense que c'était à partir de Qaf jusqu'à la fin du Mushaf. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle Al-Mufassal, parce qu'elles ont des versets qui sont courts, on les appelle Al-Mufassal. Et il y a celles qui sont longues, celles qui sont moyennes et celles qui sont courtes. Hein? Donc plus tu t'en vas vers la fin, plus qu'elles sont courtes. Naam. Donc ça, c'est des exemples, et pour dire que pour le Fajr, il récitait les longues parmi les Mufassal, pour Al-Dhuhr ou Al-Asr, il récitait les moyennes, Et pour le Maghreb, il récitait les courtes. Hein, c'est ça que le cheikh explique. Et ça, ça montre la modération aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, وقوله أن أم الفضل سمعته يقرأ والمرسلات عرفا يعني أنه أحيانا يقرأ في المغرب بالمرسلات ها وقد قرأ فيها بالطور وقرأ بالأعراف ولكن الغالب أنه كان يقرأ من قصار المفصل وكان هذا من آخر ما قرأ حتى لا يقال إنه منسوخ حيث لم يعش عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع إلا زمنا قليلا. Donc le cheikh explique que bon, ils ont décrit la prière dans le hadith, on décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant allégée, puis en même temps il récitait surat Qaf le matin dans le Fajr. Donc ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que yani, ça, c'était ça qui c'était ça, ça rentre dans la signification d'alléger. Même si dans le Fajr c'était Qaf, qui est une sourate quand même assez longue, mais malgré tout ça fait partie de ce qui est alléger, qui est modéré. Et il dit que pour Ummul Fadl, la mère de Abu Huraira radiallahu anhu, elle dit qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a récité wal mursalat urfa pour salat al-maghrib. Et le cheikh, il explique que parfois même c'est arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité At-Tur pour salat al-maghrib, et il a récité également surat al-A'raf. Al-A'raf, c'est long, hein, c'est plus qu'une centaine yani, de versets. Et ça, c'est, il dit, mais ça, c'était pas la règle générale. Ça, c'est arrivé quelques fois, il a fait ça, mais en général, il récitait les courtes parmi les mufassal dans la salat de Al-Maghrib. Et ça, c'est arrivé justement quand il a récité yani, Al-Mursalat, c'était vers la fin de sa vie. Ça, c'est la preuve que c'était pas abrogé, que c'est pas quelque chose qui a été abrogé par la suite, puisque après Hujjat al-Wada, il n'a pas vécu longtemps. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, وقوله فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ في المغرب. يعني أم الفضل هي أم عبد الله ابن عباس وإخوانه رضي الله عنهم. Donc elle est la mère de Abdullah ibn Abbas et de ses frères. Et il dit, وهي ليست من المهاجرات. Elle fait pas partie des femmes qui ont fait la hijra. لأنها حبست في مكة. يعني هي وأولادها الصغار. Donc elle ainsi que ses petits enfants ont été retenus à Mecca. Hein? Elle a pas pu faire la hijra. رضي الله عنها. فهي وأولادها من الذين عذرهم الله في الهجرة بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فدل هذا على أنها سمعت هذا آخر الأمر لأنها لم تكن مهاجرة حتى تكون سمعته في المدينة في أول الأمر. Donc le cheikh, il explique que donc elle ne fait pas partie des muhajirat parce qu'elle a été retenue, elle et ses enfants, à Mecca. Donc elle n'a pas pu faire la hijra, et donc elle et ses enfants ont été excusés par Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 97 à 99 dans sourate An-Nisa, par rapport à la hijra, c'est-à-dire l'obligation pour les musulmans de quitter les pays non musulmans pour aller vivre dans les pays musulmans, Allah a excusé les faibles, les gens faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui ne sont pas capables, hein, qui ne sont pas capables d'y aller, ils n'ont pas les moyens, ou ils ne connaissent pas un moyen d'y aller, et ils ne savent pas le chemin, ou bien ils ne savent pas le chemin, donc ceux-là sont excusés, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Donc Allah, il va pardonner, hein, et excuser ceux-là, parce qu'ils ne peuvent pas faire la hijra. Tandis que ceux qui peuvent le faire, hein, mais qui ne le font pas, ça c'est autre chose. Hein. Et il dit, donc ça c'est la preuve que, si elle dit qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire dans la salat, il récitait tel verset ou tel verset, c'est la preuve que c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, à la Mecque, après, hein, et non pas à Médine, au début de l'islam. Et le cheikh il dit ensuite, « وَكَذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ » Hein, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, « وَكَذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زَيْدِ ابن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب ب يعني طول بطول بطول الطولين وزيد من صغار الصحابة وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سلعة عند ذكر موسى وهارون. نعم. قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب في المغرب يقرأ من قصار المفصل وأحيانا يقرأ من طوال المفصل كالطور والمرسلات وأحيانا يقرأ في بالأعراف طول الطوليين نعم أي السورتين الطويلتين وهما الأنعام والأعراف وهما الأنعام والأعراف وقوله وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سلعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر عدة مرات في مكة فمن روى أنه قرأ بالطور كما قرأ بقاف أو قرأ بسورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالغالب أنها في الفجر حيث أنه يطيلها عليه الصلاة والسلام ولكنه أدركته سلعة يعني كحة عند ذكر موسى وهارون من هذه السورة فركع عليه الصلاة والسلام فهذا الركوع إنما هو لعارض. Donc il explique que c'est rapporté dans le Sahih selon Zayd ibn Thabit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la plus longue des deux langues, la plus longue des deux langues dans la prière de Al-Maghrib. Et Zayd fait partie des jeunes parmi les Sahaba. Il fait partie des jeunes parmi les Sahaba. Et il dit, ça c'est donc c'est rapporté par Al-Bukhari. Et il dit qu'également il a prié dans la prière de Fajr en récitant Al-Mu'minun. قد أفلح المؤمنون à Mecca. Mais après il a commencé à tousser quand il a mentionné Moussa ou Haroun, alors à cause de ça il a arrêté la récitation puis il a fait recours. Donc c'est ça ce que Cheikh Al-Fawzan explique. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en général dans la prière de Maghrib, il récite les sourates al-mufassal qui sont courtes. Mais c'est arrivé déjà certaines fois qu'il a prié avec les langues. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme at-tur ou al-mursalat. Et parfois également, il récite al-a'raf même. Al-a'raf c'est tul al-tawlayn, yani al-suratayn al-tawilatayn. Donc il y a al-an'am et al-a'raf. Et la plus longue des deux c'est يعني à l'Araf. Donc il a récité à l'Araf dans la prière de Maghrib. Et ça c'est une prière c'est une sourate qui est très longue. Mais ce n'était pas la règle générale. Il dit وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ صَلَّ بِالْمُؤْمِنِينَ يعني sourate al-mu'minun في salate al-fajr. Donc il a récité plusieurs versets de sourate al-mu'minun parfois dans le Fajr. C'est arrivé qu'il a récité Surat al-Mu'minun dans le Fajr, comme c'est arrivé également qu'il a récité At-Tur, Qaf. Et en ce qui concerne Surat al-Mu'minun, C'est une sourate qui est assez longue, mais il ne l'a pas complétée. Il ne l'a pas complétée, il ne l'a pas lu au complet, parce qu'il a commencé à tousser. Et donc, quand il a mentionné dans les versets où on parle de Moussa wa Haroun, dans la sourate, il s'est incliné, il a fait recours. Et il explique que le cheikh, il dit, il s'est incliné. Pourquoi il a fait recours? Parce que il a été incapable de la continuer. Sinon, probablement qu'il aurait continué. Hein? Mais c'est parce qu'il a commencé à tousser qu'il s'est interrompu. Après, le cheikh explique, il dit: فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يصلي في الفجر بطوال المفصل وشواهد هذا كثيرة ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء إما أنه أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخففها ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين كما دل عليه حديث أنس والبراء أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. Donc le cheikh explique que la plupart de, donc tous ces hadiths qu'on a mentionnés et les hadiths de ce genre clarifient que à la fin de sa vie, le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il faisait la prière de Fajr, il récitait les langues parmi les mufassal, et il y a beaucoup de hadiths qui témoignent de ça. Il dit que la plupart des sahaba sont tous d'accord à ce sujet, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à réciter dans la prière de Fajr jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas diminué sa prière avec l'âge, hein, qu'il a continué à prier la même durée, les mêmes longueurs, même plus tard dans sa vie. Et les fuqaha, les ulama de fiqh qui sont sur la sunna, ils sont tous d'accord sur le fait que dans la prière de Fajr, ils récitaient les langues parmi les mufassal, hein, tiwal al-mufassal. Et il dit que la parole ici dans le hadith, quand il dit qu'il ne priait pas la prière de ceux-là, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il voulait dire par ceux-là? C'est-à-dire les dirigeants ou les imams de l'époque qui prolongeaient la prière, ou bien qu'il la diminuait trop. Soit qu'il la prolongeait trop ou qu'il la diminuait trop. Hein? Et il dit qu'il la diminuait plus que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam diminuait ou allégeait plutôt. Et il le faisait d'une manière qui rendait la prière, qui faisait perdre à la prière de sa perfection. Par exemple, ils allaient diminuer trop le recours ou le sujoud, ou bien les deux moments où on se redresse dans la prière. Et ça, c'est indiqué par les hadiths de Anas et le hadith de Al-Bara, ou bien que les dirigeants en question enlevait de la prière dans la récitation par rapport à la récitation. Donc il faisait un qiyam très court, hein, puis il prolongeait le rukou et le sujoud, ou bien il raccourcissait trop la récitation, puis il prolongeait, hein, ou bien il raccourcissait les autres piliers de la prière, ou des choses de ce genre, contrairement à ce que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce qu'on a expliqué Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est ça ce qu'on a expliqué plusieurs fois dans les cours précédents dans le livre. Le cheikh il dit ensuite wal ba'd qad yafhamu hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ayyukum amma an-nas. Est-ce que c'est là qu'on est rendu? OK, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan de qu'est-ce qu'on vient de lire, des paroles de Ibn Taymiyyah. Il dit qawluhu fa hadhihi al-hadith amthaluha tubayyin annahu sallallahu alayhi wa sallam kana fi akhir hayatihi yusalli fi al-fajr ay أن هذا ما تقرر من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل كسورة قاف والطور وأحيانا يقرأ بغير المفصل مثل سورة قد أفلح المؤمنون فالحاصل أنه يطيل القراءة في الفجر. Donc c'est ça. De façon générale, tous les hadiths qu'on a lus indiquent que pour la prière de Fajr, il prolonge la prière. Même que parfois, il récite qaf, tour, et même, yani, qad aflaha al-mu'minun, qui ne fait pas partie des mufassal, mais qui est d'une assez longue durée. Wa qawluhu, wa li anna sa'ir al-sahaba ittafaqu ala anna hadhihi kanat salatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alati mazala yusalliha, yani ittafaqa al-sahaba ala anna sunnah an yutila al-qari' al-qira'ah fil fajr, wa an yaqra' من طوال المفصل لأن الله تعالى قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فسمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة أكثر من غيرها ومعنى مشهودا أي تشهدها الملائكة الحفظة ملائكة الليل وملائكة النهار وهم الذين يحفظون أعمال بني آدم ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيصعد الذين مكثوا ويبقى الذين نزلوا. Le Cheikh explique ensuite que les Sahaba, يعني les Sahaba, ils sont tous d'accord sur le fait que la Sunna, c'est que la personne qui récite dans la prière de Fajr, elle doit prolonger la récitation et qu'elle doit réciter parmi les sourates qui sont plus longues, parmi les mufassal. Et une des choses qui indique ça, c'est le verset 78 dans sourate Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que, yani il dit « Qur'an al-Fajr ». Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Le Cheikh explique que Qur'an al-Fajr, ça veut dire Salat al-Fajr. Qur'an al-Fajr, ça veut dire Salat al-Fajr. Pourquoi on appelle la Salat Qur'an? Parce que on récite le Qur'an plus longtemps que dans les autres prières de la journée dans Salat al-Fajr. Donc on l'appelle le Qur'an du Fajr. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi mashhoudan, c'est-à-dire que la prière de Fajr kana mashhoudan, c'est-à-dire il y a des témoins qui viennent assister à cette prière là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les anges qui écrivent les œuvres des hommes, hein, ou qui gardent les œuvres des hommes, ils viennent assister à cette prière. Parce que il y a un relais qui se passe entre les anges du jour et les anges de la nuit à ce moment-là. Donc les anges qui préservent les œuvres des fils d'Adam, ils se réunissent à la prière de Fajr le matin et à la prière de Asr le jour. Donc les anges qui ont passé la nuit avec les croyants pendant la nuit qui ont écrit leurs œuvres, hein, ils se réunissent avec les anges qui viennent prendre la relève pour écrire les œuvres des serviteurs d'Allah pendant la journée jusqu'à la prière de Asr, et donc il se relaie à ce moment-là et la prière de Fajr, donc il y a les anges qui viennent y assister. Et donc c'est ça. Ceux qui ont passé la nuit, ils remontent vers Allah, tandis que les autres descendent et ils restent. jusqu'à l'asr. والحاصل أن صلاة الفجر يطول فيها ما لا يطول في غيرها من الصلوات وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وقوله وكانت صلاته بعد تخفيفا يعني بعد الفجر واستمر في تطويل الصلاة حيث قرأ بالطور وقد أفلح المؤمنون والمرسلات وكان هذا في حجة الوداع ولم يعش بعدها إلا قليلا فدل على أنه استمر في تطويل الفجر. Donc le cheikh explique, comme on l'a dit, que le fajr, on le prolonge plus que les autres prières. Et ça, on l'a indiqué dans le hadith qu'on a lu plus tôt, que la prière de fajr était plus longue que les autres prières, puisqu'il récitait At-Tur et Al-Mu'minun et Al-Mursalat. Qu'il a fait ça au Hajj d'adieu, et il n'a pas vécu longtemps après. C'est la preuve qu'il a continué donc à suivre cette sunna de prolonger la prière de Fajr. وقوله لا يصلي صلاة هؤلاء الذين ينكره الراوي أن من الأئمة من يطيل إطالة مخالفة لإطالة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يزيد فيها فيشق على من خلفه ومنهم من يخفف تخفيفا زائدا على تخفيف الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مخلا بالصلاة فهو إذا أطال إطالة كثيرة شق على المؤمنين وإذا خفف الصلاة تخفيفا كثيرا أخل بها والاعتدال هو الخير حيث فيه مراعاة يعني مراعاة أحوال المؤمنين أحوال المأمومين ومراعاة إتمام الصلاة. Donc il dit que يعني quand la critique ici qui est faite dans le hadith de la part du narrateur par rapport à ceux-là, quand il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم ne faisait pas la prière de ceux-là, c'est-à-dire les dirigeants de l'époque ou les imams de l'époque qui prolongeaient trop ou qui ne prolongeaient pas assez et qui rendait la prière déficiente. Donc il ne faut pas prier trop long pour que ce soit trop lourd et pas trop court non plus pour que ce soit une prière qui ne respecte pas les règles de la charia. Et donc il faut être dans la modération et tenir compte de ceux qui prient derrière nous quand on est imam dans la mosquée ou dans la prière. Il dit وَذَكَرَ الرَّاوِي نَمُوذَجًا مِنْ قِرَاءَتِهِ. Des fois il y a des imams ou il y a des personnes, des fois quand ils ont une occasion où ils vont être diriger la prière ou bien ils vont être imams, ils sont très contents de pouvoir diriger la prière et peut-être qu'ils sont contents d'avoir mémorisé certains versets qui sont un peu plus longs, donc ils veulent en profiter pour dire bon, moi mashallah j'ai appris ce verset, je vais réciter ce verset que j'ai appris, comme ça je vais je vais pouvoir me pratiquer ou des choses comme ça. Je ne sais pas quelle intention la personne peut avoir à ce moment là et donc elle va commencer à réciter une prière longue et les gens derrière lui sont pressés. Peut-être qu'ils ont des rendez-vous, ils ont des occupations, ils ont des choses comme ça. Donc il faut tenir compte de chaque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il faisait. Il ne prolongeait pas trop et il non plus ne faisait pas une prière tellement rapide qu'on ne pouvait pas, par exemple, prendre son temps de bien établir les piliers de la prière. Il dit « وَذَكَرَ الرَّاوِي نَمُوذَجًا مِنْ قِرَاءَتِهِ فِي الْفَجْرِ حيث كان يطيل فيها ما لا يطيل في غيرها فكان يقرأ فيها بقاف والقرآن المجيد ونحوها من السور وكان يقرأ بالستين إلى المئة وكان يطيل عملا بقوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقرآن الفجر أي صلاة الفجر سميت قرآنا لأنها تطول تطول فيها القراءة وهذا أمر مستفيض من السنة وكان يدخل في صلاة الفجر بغلس يعني بظلمة بحيث لا يرى الرجل من بجانبه من ظلمة الليل وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه مما يدل على أنه كان يدخل في الصلاة مبكرا بعد طلوع الفجر ويطيلها بحيث لا ينصرف منها حتى يتضح الإصفار وهذا كان هديه في صلاة الفجر وأما في بقية الصلوات فكان صلى الله عليه وسلم يتوسط فيها بين الإطالة والشاقة وبين التخفيف وبين التخفيف المخل. Ici il rajoute quelques points le cheikh. Bon, il dit qu'il prolongeait la prière de Fajr. Et il explique un peu plus avec des exemples. Il dit que il récitait Qaf, il récitait parfois de 60 à 100 versets dans la prière de Fajr. Et il se basait donc sur le verset dans Surat al-Isra, comme on a dit tout à l'heure, au Qur'an al-Fajr. Et Qur'an al-Fajr, c'est Surat al-Fajr. On l'a appelé Qur'an parce qu'on récite beaucoup de Qur'an dedans. Ça, c'est quelque chose qui est connu dans la Sunnah. Et on dit que quand les gens rentraient dans la prière de Fajr, ils rentraient alors que c'était encore sombre. À tel point que la personne qui était à côté de toi, tu ne pouvais pas savoir c'était qui. À l'époque, hein? C'est pas comme aujourd'hui, il y a de l'électricité, il y a de la lumière et tout. Même à Fajr, on allume la lumière dans la mosquée, tout le monde voit qui est à côté de lui. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand c'était la prière de Fajr, il faisait noir complètement. Donc c'était très tôt après l'aube, il priait et la personne à côté de toi, tu pouvais pas savoir qui c'était. Mais quand il terminait la prière, il terminait et il pouvait reconnaître la personne à côté de lui. Ça nous indique à peu près que la durée de la prière était assez longue pour permettre justement à ce que la clarté apparaisse dans le ciel. Et c'est donc ça nous indique à peu près la durée de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faisait pas une trop longue pour que ce soit trop lourd pour les gens, puis non plus il ne faisait pas trop court pour que ce soit une prière qui est déficiente et que on ne puisse pas la prier comme il faut. Il dit فالمشروع للأئمة أن يأخذ بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات وأن لا يتصرفوا من عند أنفسهم أو اجتهاداتهم أو حسب رغباتهم وقوله كما دل عليه حديث أنس أو البراء وكان أولئك الأمراء ينقصون القراءة المقصود أن الأمراء كانوا يخففونها تخفيفا مخالفا لتخفيف الرسول صلى الله عليه وسلم فإن تخفيفه صلى الله عليه وسلم كان مع الإتمام وأما هؤلاء فيخففونها تخفيفا مع النقص وعدم الإتمام والبعض قد يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف بأن المقصود تخفيف الصلاة تخفيفا مفرطا بحيث يخل بأركان الصلاة ومنهم من يخفف القراءة كما هو الواقع الآن فلا يقرأ بطوال المفصل أو ما يعادلها من القرآن في صلاة الفجر وإنما يقرأ بعض آيات يبالغ في قراءتها بالتجويد المتكلف والتمطيط الممل حتى يشق على المأمومين فهو يطيلها من أجل طريقة القراءة التي يقرأها لا من حيث الكمية كم وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui est légiféré, c'est que les imams prennent l'exemple du prophète صلى الله عليه وسلم dans leurs prières, puis qu'ils commencent pas à faire leurs propres ijtihadat, puis à faire les prières comme eux ils désirent le faire selon leurs désirs. Et il dit que quand il parle de comme le hadith de Anas et de Al-Bara, il dit que ces dirigeants, les dirigeants de l'époque avaient diminué la récitation. Il veut dire ceux qui avaient diminué d'une manière qui était ils avaient plus diminué que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'alléger de la prière. Donc, ça rendait la prière déficiente et incomplète. Et il dit que certaines personnes ont compris du hadith. Quiconque d'entre vous dirige la prière pour les gens, qu'il l'allège. Il pense que ça veut dire de l'alléger à un degré qui devient yani, déficient. C'est-à-dire que la prière va être incomplète. Les piliers de la prière ne vont pas être établis comme il faut. Et, ou bien ils vont diminuer la récitation, comme c'est ce qui se passe, le cheikh dit, comme c'est ce qui se passe actuellement. Il ne récite pas les courtes, il ne récite pas les longues parmi les mufassal, ou ce qui est équivalent au mufassal dans la salat al-fajr, mais ils vont réciter que quelques versets, puis ils vont la prolonger, pas par le fait que ils récitent plus de versets, mais par le fait qu'ils vont la réciter d'une récitation très très très lente et prolonger les lettres très longtemps pour que à la fin ce soit très long mais exagéré, et que ça fait que la prière commence à devenir lourde par la suite pour les gens à cause de ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Puis on continuera la suite de ça au prochain cours, inshallah. Parce que le prochain point, il mentionne encore d'autres hadiths qui ont rapport avec la salat et la durée des différentes salawat. Puis le cheikh, il explique les détails de ça. Ça prend un peu plus de temps, donc si on commence ce passage, on n'aura pas le temps de le terminer avant au moins 15-20 minutes. Et puis on ne veut pas trop dépasser le temps, inshallah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, puis on continuera au prochain cours la semaine prochaine. Je ne vais pas être là. La semaine prochaine, je vais être à Toronto. Donc samedi prochain, il n'y aura pas de cours ici. Par contre, bon, je vais être à Toronto. Les frères m'ont invité à Troy pour faire une conférence, un séminaire. Donc moi, je vais être là-bas, je vais donner les cours. Et vous pourrez, si vous voulez, les suivre sur la radio du site de Troy, Inch'Allah. Mais ça va être en anglais, par contre. Ça va être en anglais. Et donc, ce sera vendredi, samedi et dimanche. Et par contre, demain, Inch'Allah, il y aura le cours, l'explication du livre Les Grands Péchés, sur les grands péchés, Kitab al-Kaba'ir. Ça, c'est demain après le Maghrib. Et le lundi, comme à chaque lundi, il y a l'explication du livre Tathir al-I'tiqad. Tathir al-I'tiqad, la purification de la croyance, qui est un livre sur le Tawhid et qu'on fait après l'Asr pour la radio Miraf.fr. Naam. Donc, comme ça, demain, Inch'Allah, si vous voulez, vous pouvez venir après le Maghreb. Je crois qu'il y a le cours d'arabe maintenant qui va commencer. En général, ça va être à 6h30 parce que le cours d'arabe est après le cours. Après mon cours, c'est le cours d'arabe, je pense. Je ne sais pas comment les frères avaient organisé le dars, mais c'est ça qui, d'après moi, c'est ça ce qui était prévu, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ça, c'est pas correct. Parce que comme tu as vu dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, ou bien dans la parole de Cheikh Al-Fawzan, il expliquait que la sunna, c'était de prier le Fajr le plus tôt possible dans l'aube, puis que les gens, quand ils priaient, ils voyaient pas la personne qui était à côté d'eux. Puis ils priaient à peu près 60 à 100 versets, et à la fin, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait terminé, eh bien, ils pouvaient reconnaître la personne qui était à côté de lui. Et il y a un autre hadith qui dit que quand il finissait la prière, si quelqu'un avait lancé quelque chose ou lancé une flèche ou quelque chose, il aurait pu la voir, c'est-à-dire voir où est-ce qu'elle allait tomber. Tandis que quand il commençait la prière, il faisait noir. Et il y a les Ahnaf, ceux qui suivent le madhhab al-Hanafi, au Pakistan, en Turquie, en Inde. La plupart de des gens qui suivent ce madhhab, ils ont l'habitude de prolonger ou de retarder plutôt la prière de Fajr et la prière de Asr. Et si tu vas dans les mosquées Ahnaf, comme Bayt al-Mukarram ou bien la mosquée ICQ, tu vas voir que le Asr, ils le font plus tard que dans les autres mosquées. Et le Fajr, la même chose, ils le retardent parfois. Et ça, c'est contraire à la Sunna. Hein? C'est contraire à la Sunna. Donc, le musulman, il ne doit pas s'attacher à son madhhab au point où, lorsqu'on lui ramène l'épreuve de la Sunna, il va laisser passer son madhhab par-dessus l'épreuve de la Sharia. Ça, c'est incorrect. Même si dans ton madhhab, vous dites que vous pouvez briller plus tard, si vous revenez à la Sunna, vous voyez que la Sunna, c'est de le faire plus tôt. Donc, laissez tomber le madhhab et suivez qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et les imams eux-mêmes ont dit ça. Ils ont dit إذا صح الحديث فهو مذهبي. C'est-à-dire, si le hadith est authentique, c'est ça mon madhhab. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmad ibn Hanbal, ils ont tous expliqué que leur madhhab c'était ça. Et chacun d'entre eux, ils ont dit, on n'est pas infaillible. Peut-être qu'on ignore certains hadiths. Peut-être qu'on a mal compris certains hadiths que d'autres ont mieux compris que nous. Et donc, si vous trouvez une preuve qui contredit ce que nous on fait, laissez tomber qu'est-ce qu'on fait et suivez la preuve. C'est ce qu'ils ont dit. L'imam Malik, il a dit, c'est-à-dire, tout le monde peut avoir raison et peut se tromper, excepté celui qui est dans cette tombe. Il parlait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en voulant dire, si l'imam Malik a dit quelque chose et que tu trouves dans la sunna quelque chose qui contredit ce que l'imam Malik a dit, parce qu'il n'est pas un prophète, comme les autres imams ne sont pas des prophètes non plus, donc si tu trouves quelque chose qu'il a enseigné ou qu'il a dit qui serait une erreur, dans laquelle il se serait trompé, tu laisses tomber sa parole et tu suis qu'est-ce qui est authentique de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'attitude du musulman. Et c'est ça le manhaj de nos salafs. Hein?